Bonjour, c'est Doriane Pain. Et Lisa Billard. Et bienvenue dans l'émission Auto Hebdo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Auto Hebdo. Et comme vous avez pu le constater, nous n'avons pas une, mais deux invités exceptionnels aujourd'hui avec la championne de la F1 Academy. Bonjour, Doriane Pain. Bonjour. Et pilote de la F1 France et futur pilote de la F1 Academy en 2026. Bonjour, Lisa Billard. Bonjour. Et pour nous accompagner dans cette émission, nous avons l'inénarrable Mathieu Chambonnois avec nous. Carrément. Carrément. Duval, merci d'être venu, Doriane et Elisa. C'est un plaisir de vous recevoir dans l'émission. Et comme c'est maintenant une tradition dans cette émission Auto Hebdo, on vous a laissé quelques petites cartes avec des sujets qui sont parus dans le magazine ces dernières semaines ou ces dernières années. Donc l'idée, c'est de regarder ces petites cartes et de ensuite retracer vos carrières avec ceci. Doriane, okay. Je te prie de commencer. On commence par du récent. Et du récent. Ma victoire à Las Vegas, c'était la course 1. Très bonne course. Je pense une des meilleures courses de la F1 Academy de ma saison en 2025. Parce que c'était une grille inversée. On partait 5. Et il s'est mis à pleuvoir sur la grille. On était tous en réglage sec et c'était complètement imprévu. Enfin, c'était pas programmé, la pluie. Donc, on était tous pris de haut. Mais voilà, je pense qu'on a été le pilote qui a pu s'adapter au mieux aux conditions. Et puis, on a marqué le maximum de points qu'il fallait ce jour-là avec le meilleur tour en course, la victoire et surtout zéro point sur ma concurrente directe pour le championnat. Donc ça a été la journée la plus importante du week-end, et comme tout jouait au dernier week-end, heureusement qu'on a pris cette opportunité et qu'on a succédé. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de ton point de vue à toi, Lisa, comment tu l'as vécu, parce que tu étais encore spectatrice, si on peut dire, de la F1 Academy. Donc comment est-ce que toi tu l'as vécu, comment ça a résonné de voir Doriane gagner à Vegas? Je me suis levée exprès pour regarder ta course. C'est vrai, ouais. C'était à 3h du mat, non? Ouais, je me suis levée exprès, mes parents aussi. Ok. Bravo. Et puis on espérait que tu gagnes et ça donne un bel exemple pour le futur. Donc voilà. C'était incroyable de devoir gagner. Merci. Et toi, de ton côté, du coup, Doriane, si tu devais faire un peu une rétrospective, parce que ça y est, ce chapitre, du coup, se termine pour toi, c'est terminé pour toi, de la F1 Academy, qu'est-ce que tu gardes en tête? Qu'est-ce que tu conserves à l'esprit de ce que ça a pu t'apporter, notamment dans ton parcours? C'était ma deuxième année, du coup. Forcément, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis passée d'endurance à monoplace, un monde totalement différent. Bien évidemment, ce championnat, il met beaucoup en lumière les femmes dans le sport auto. Il donne l'opportunité à toutes ces jeunes filles de nous lancer dans une carrière professionnelle et de nous donner les opportunités et la visibilité pour la suite de notre carrière. Donc j'ai beaucoup appris. On roule à côté de la Formule 1 sur 7 week-ends. Les mêmes circuits on apprend énormément. C'est un circuit, c'est un championnat assez serré. En plus avec la grille inversée à partir de cette année, ça a mis encore plus de suspense parce que les courses et la course inversée donnaient moins de points, donc c'était plus serré au championnat. Donc il fallait de la régularité, de la performance à chaque fois qu'on montait dans une voiture et sur un nouveau circuit comme Montréal ou Vegas où on ne connaissait pas le circuit avant d'y aller. Beaucoup d'adaptation, beaucoup d'apprentissage et on est avec des constructeurs de Formule 1. Donc c'est clair que on apprend beaucoup d'eux aussi parce qu'ils ont amené beaucoup de pilotes en Formule 1 et ils savent comment accompagner les jeunes au haut niveau et dans le sport auto. Donc c'était une belle expérience et maintenant, nouveau chapitre. C'est sûr que ça va m'aider dans toute ma carrière. Justement, comme tu l'évoquais avant, tu étais en endurance, tu étais en championnat du monde d'endurance. Donc ça a pu sembler un peu étrange de faire ce choix, de te voir partir en F1 Academy. Qu'est-ce qui a motivé ce choix finalement ? La motivation, c'est la proposition de Mercedes, forcément, parce qu'on en a bien discuté avec Iron Dames. Le projet, c'était bien évidemment d'être compétitive partout où on allait, mais moi, mon objectif ultime, c'était la Formule 1 et on avait ça en tête tous ensemble. On avait le même projet, donc il fallait qu'on fasse ce switch au bon moment. Avec les bonnes personnes aussi qui entourent, qui sont vachement expérimentées dans le milieu et dans le côté monoplace. Et après, on a reçu cette proposition de Mercedes qui m'a, du coup, où j'ai rejoint l'équipe en 2024. Et je pense qu'on l'a très bien fait parce que, comme je disais, c'est des gens expérimentés et ils ont été là dès le jour 1. Pour me préparer, pour m'accompagner pendant les week-ends de course et pour à la fin gagner le championnat. Donc c'est chouette. Est-ce qu'il y a une anecdote ou un moment où tu t'es dit que tu avais changé de monde, que tu avais pris une autre dimension, notamment médiatiquement ? C'est sûr, d'être dans les mêmes week-ends de la Formule 1, c'est fois mille tout ce qui se passe autour. Ça peut être prenant aussi parce que il se passe beaucoup de choses et t'es beaucoup plus sollicité. Mais après, c'est clair que le fait d'être à côté de la Formule 1 et de pouvoir échanger avec les pilotes et la team F1 pour tout ce qui est technique, tout ce qui est préparation d'un week-end, c'était fondamental. Et le fait d'avoir préparé là cette année, 2024 c'était plus avec Lewis, mais cette année c'était vraiment Georges qui était impliqué dans ma saison et il était toujours là pour me conseiller et s'appeler des fois une heure le mercredi avant d'aller sur le circuit, donc c'est des conseils qui sont forcément primordial pour la performance et c'est ces mecs-là qui connaissent le milieu et qui peuvent donner les meilleurs conseils. C'est bizarre de se dire que c'est terminé chapitre pour toi, parce que c'est vrai que tu as été beaucoup associé à la F1 Academy finalement, donc tu te dis que tu passes à autre chose. Est-ce que c'est un peu bizarre encore de se dire ça ? Nostalgique un peu, parce que on a eu beaucoup de bons moments, d'autres moments qui étaient un peu plus difficiles, mais ça fait partie d'une carrière. Mais c'est clair que c'est un chapitre qui se ferme. Je suis contente de l'avoir terminé avec ce titre et je suis excitée de la suite de ce qui va se passer. C'est que le début de ma carrière, donc j'ai hâte de voir ce qu'on peut faire ensuite et après forcément être compétitif à chaque fois qu'on décide d'aller vers une direction et une catégorie quoi. La suite, tu m'offres une transition parfaite, parce que justement, j'allais aller vers toi, Lisa. Qu'est-ce que toi, tu espères que ça va t'apporter ? Qu'est-ce que tu vises en particulier, justement, d'arriver dans ce championnat ? Déjà, je sais que ça va m'apporter beaucoup de visibilité et ça me servira forcément pour trouver les budgets pour la suite, etc. Et puis, c'est une expérience de fou de pouvoir rouler sur des circuits comme ça. Je l'ai vu à Singapour, rien que de faire un meeting, ça m'a appris tellement de choses. Donc j'espère pouvoir suivre les pas de Dorian et puis la rendre fière aussi de la suite. Ce que tu me disais quand on s'était vu au Mans, que t'hésitais avec une saison de F4 France pendant un moment, au final tu t'es dit que la F1 Academy c'était quand même beaucoup plus, on va dire, privilégié pour ton évolution quoi. Là j'ai l'opportunité qui se présente, donc je dois la saisir à fond et c'est sûr que ça va plus m'apporter médiatiquement, même en fait juste en tant que pilote, ça va m'apprendre beaucoup plus de choses que dans le championnat de F4 France. Dorian, selon toi, Lisa fait le bon choix d'aller en F1 Academy l'an prochain ? Oui, forcément. on sait que ce championnat a énormément de visibilité, d'opportunités pour les femmes et pour nos jeunes carrières. Et puis je pense qu'elle a très bien fait à Singapour en se montrant qu'elle avait les capacités de performer parmi nous et parmi même d'autres pilotes qui étaient dans leur deuxième saison, donc elle a largement ses chances pour se battre pour quelque chose de bien et en tout cas je te souhaite et je serai toujours là si tu veux quoi que ce soit parce que t'as le niveau et t'as ta place dans le sport auto, c'est clair. Merci. Quel conseil tu lui donnerais pour cette saison? Se concentrer sur soi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Le prendre un maximum d'infos, que ce soit avec les gens qui t'entourent, mais avec l'équipe, avec d'autres pilotes qui seront dans leur deuxième saison. Faut aller chercher les infos tout le temps, parce que il suffit d'un moindre détail quand tu commences tu vas découvrir plein de circuits en plus. Donc tous les tests, c'est important. Il y a très peu de roulage dans les week-ends de course, donc les tests, faut rouler un maximum, mais faut tester un maximum de choses. Et puis après, surtout se concentrer sur toi, sur tes performances, sur qu'est-ce que tu peux contrôler et pas qu'est-ce que tu peux ne pas contrôler, parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne contrôles pas et qui va arriver devant toi et tu vas te dire qu'est-ce que je dois faire. Non, surtout concentre-toi sur ce que tu peux faire et voilà. Et puis flat out, quoi, comme on dit. Hein. C'est toujours ce mindset. Hein. Encore, on l'a dit, c'est la fin d'un chapitre pour toi, Dorian. Et c'est aussi la fin, du coup, de cette partie. Donc, je t'invite à prendre la prochaine carte, s'il te plaît. Dorian Pain, la prochaine femme en Formule 1. Sous un format interrogatif. Sous un format interrogatif. Oui. C'était la une, ça. C'était la une, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et du coup, justement, cette une, qu'est-ce que ça t'a fait déjà de te voir en une? Et est-ce que tu te rends compte, avec le recul, c'était bénéfique? Ça t'a mis plus de pression? Qu'est-ce que t'as ressenti? C'est grâce à vous, ça, en plus. Non, mais c'est clair, c'est une bonne visibilité. On parle de plus en plus de nous, surtout grâce aux médias. Ça a bien évolué depuis ces dernières années et puis ça fait parler, ça montre qu'on a tous notre place dans un milieu qui est encore très masculin. Donc voilà, en plus on fait les choses bien, on ramène des résultats, donc c'est surtout ça le principal. C'est pas être juste une fille parmi les hommes, mais être une femme qui performe et qui a sa place, clairement. Donc voilà, c'est top d'avoir des opportunités comme ça et des chances d'être sur la page, la une d'un journal comme le vôtre, quoi. Est-ce que tu saurais nous tracer le parcours qui t'amènerait en F1, qui serait pour toi le pont royal, si on peut dire? Pour moi, j'y crois qu'il n'y a pas vraiment de carrière tracée. Okay. C'est beaucoup dans les mentalités, ça, où on dit faut passer par la F4, F3, F2, F1. Alors oui, clairement, c'est la voie la plus logique pour arriver en Formule 1, parce que c'est des monoplaces. Mais je pense qu'il faut ouvrir ces mentalités et ouvrir cet état d'esprit. Il y a d'autres championnats qui sont intéressant en tant que pilote, comme l'endurance. Donc c'est aussi des championnats FIA où on peut marquer les points de super licence qui sont obligatoires pour la Formule 1. Pourquoi faire comme tous les autres si y a plusieurs possibilités autour, quoi. Intéressant. En parlant de F1, tu en as dit un peu plus sur ton avenir en début de semaine, et notamment sur le fait que tu avais commencé à tester le simu F1 de Mercedes. Comment c'était? C'était fabuleux. c'était super chouette. J'ai commencé le travail avec l'équipe, du coup, la team F1. Premier jour sur le simulateur, lundi dernier. On a fait 102 tours, donc on a pas mal roulé dans la journée. On a fait, le matin, c'était plus l'adaptation du simulateur. Et c'est vachement réel, c'est un des meilleurs simulateurs au monde, hein, la Formule 1. Donc c'est tout ce qui est feedback, tout ce qui est même retour de force, la pédale de frein ou même les sensations dans une voiture, t'as vraiment l'impression que tu roules dans une Formule 1. Donc hyper réel. Et puis après, l'après-midi, c'était plus concentré sur tout ce qui est test pour l'équipe de Formule 1, tout ça, donc en projet de 2026. Donc c'était c'est une belle expérience et je vais avoir d'autres opportunités dans les prochains mois et tout pour continuer ce boulot. Et puis c'est surtout que j'aurai potentiellement, si tout se passe bien, une opportunité de rouler dans une Formule 1 sur un vrai circuit et en vrai. Donc faut préparer tout ça, quoi. Bon, on te le souhaite surtout. Mais j'imagine que ça devait être très complexe à comprendre. Il y a beaucoup de systèmes sur F1, beaucoup plus que ce que tu as pu connaître jusqu'à présent. Tu n'étais pas senti un peu perdu là au beaucoup, début? Bah, on apprend sur le moment. Hein. Après, il y avait 8 ingénieurs dans la salle de simulateur. Donc, tu apprends vite. Bien évidemment, les notes, c'est très important, sinon tu oublies la moitié des choses. Mais oui, c'est très complexe. Donc, puis c'est passionnant parce qu'il y a plein de choses que tu règles même toi-même en tant que pilote en réel. Parce que tu as plein de boutons sur le volant. C'est très technique. Donc, moi aussi, ça me permet de grandir en tant que pilote, de comprendre encore plus de choses, de comment fonctionne une voiture, comment fonctionne la Formule 1 et tout ça. Donc c'est un bon boulot en perspective pour ma carrière. Ça va plus te toucher toi, Dorian, parce que tu le connais, mais la question s'adresse un peu à toutes les deux. Comment vous avez vu, à travers ses yeux notamment, la saison d'Isaac en F1, parce que j'imagine que tu le connais, donc forcément tu as peut-être eu des retours. Mais voilà, comment vous l'avez vécu l'une comme l'autre, et surtout toi, Dorian, comment est-ce que peut-être tu as eu des retours de sa part ou des feedbacks un peu de ce qu'il pensait lui? Ouais, Isaac, je le connais depuis le début. On a commencé nos deux premières années en karting ensemble. Après, il a pris un autre chemin et j'en ai pris un autre. Mais oui, il a fait une saison remarquable en Formule 1, c'est clair. En étant rookie, première saison en Formule 1, dans une filière un peu particulière avec Red Bull. Et il a vachement tenu, il a performé, surtout avec son podium à Zandvoort. Donc, il a clairement ses chances en Formule 1 et de faire des belles choses, et surtout avec Red Bull en 2026. Donc, intéressant de voir. Je ne peux pas me rebondir dessus, parce que forcément, il a été pilote aussi de la FFS Academy. Donc, j'imagine que ça te touche aussi de voir que c'est possible d'accéder à cet échelon-là. On en parlait justement cette semaine. C'est que ça donne de l'espoir aussi. On se dit, il a commencé au même endroit que nous. Même toi, Dorian, t'as fait le championnat de France de junior karting. Mm. Donc, c'est des beaux exemples et ça donne de l'espoir pour réussir par la suite. Justement, tu évoquais cette époque avec Isaac en karting, c'était en mini, mais il me semble que vous étiez en mini-kart. En mini-kart. Vraiment le tout début. Au tout début. Justement, est-ce que tu as une anecdote de cette période à nous raconter? Alors en mini-kart, on a fait des endurances ensemble aussi, des courses de 2 heures en kart et tout ça. Il y a une course où c'était sur le déluge total et okay. on avait gagné haut la main devant tout le monde. On était trempés sur le podium, mais on était là avec le champagne, on était trop contents. Donc, des bons souvenirs. Et puis après, il est monté, il avait toujours un an d'avance dans les catégories après. Donc il venait sur la grille me voir, tout ça. Et puis on soutenait l'un et l'autre dans notre début de carrière, quoi. Ouais, on était encore deux enfants, donc on profitait de chaque moment. Et on avait le même objectif. On était très, très focus sur gagner le maximum de courses. Et c'était chouette. Bon, on espère vous voir dans le futur sur la grille ensemble. En parlant de la F1, Lisa, toi, qu'est-ce que tu as pensé de manière générale de cette saison? En Formule 1? Non, en Formule 1, oui. C'était une saison hyper intéressante par rapport aux saisons d'avant, parce qu'il y avait beaucoup plus de batailles, surtout pour le titre. Donc c'était intéressant de pouvoir observer toutes les courses, voir comment les pilotes ne lâchent rien jusqu'à la fin. Le championnat s'est un peu inversé aussi vers la fin au fil des courses. Donc ça nous montre qu'on ne doit jamais rien lâcher jusqu'à la fin, même pour toi. En F1 Academy, c'était chaud, donc t'as pas lâché. À Singapour, on en a parlé toutes les deux. Et c'était beau de te voir gagner. C'est encore plus beau, en fait, quand on doit se battre jusqu'à la fin pour obtenir le titre. En l'occurrence, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que t'as justement côtoyé les pilotes de F1. Tu nous en as parlé tout à l'heure, Georges, avec qui tu fais des sacrés débriefs, apparemment. Tu t'entends bien avec eux, Kimi et Georges, même plus sur le plan discu. J'imagine que vous passez du temps ensemble, donc forcément... Ouais, très bien, très bien. Ils ont toujours été là pour moi. On a vraiment bien collaboré, enfin, une bonne relation en général depuis ces deux dernières années. Et puis même avec Lewis qui est parti chez Ferrari, on a toujours, chaque fois qu'on se croise dans le paddock, on discute un peu, tout ça. Donc on sent soutien côté Formule 1 et côté F1 Academy, qu'il y a un réel intérêt des deux sens, quoi, et qui sont là vraiment pour nous épauler si on a besoin. Donc, Donc c'est chouette de sentir ce soutien des pilotes qui est un des top 20 des meilleurs pilotes au monde. Donc c'est chouette. Tu sens que George et Lewis, il y a des différences dans leur fonctionnement et dans leur Oui, méthode. Ils sont différents. Après, ils ont tous les deux des grandes expériences en Formule 1, surtout Lewis, mais c'est deux personnages très différents, deux pilotes, même là, en termes de mentalité, de, mm-hmm. ouais, d'approche de course. Il y en a un qui a un peu plus de vécu, donc ça se sent. Après, ils sont tous les deux super et... Et voilà, ils sont cool, c'est quoi. Top, ouais. Okay, cool. De ton côté, Elisa, tu sembles plus proche d'Esteban Ocon. Quelle est la relation que vous entretenez tous les deux? Est-ce qu'il te conseille? Est-ce qu'il t'oriente dans ta carrière? Bah, j'ai de la chance d'avoir pu le rencontrer plusieurs fois, notamment grâce au fait qu'on avait le même coach quand on était en karting. Okay. Donc, c'est incroyable de pouvoir le côtoyer. J'ai roulé avec lui lundi en KZ. Mm-hmm. J'ai pu partager la piste avec un pilote de Formule 1, c'est incroyable. Et en fait, on a fait les datas. La première série, je me suis pris une seconde. Il freinait tellement bien par rapport à moi. Il m'a donné plein de conseils. Et en fait, je suis arrivée dès la deuxième séance, j'étais à 4 centièmes de lui. Et après, en fait, on a fait que se batailler pour qui allait avoir le meilleur chrono à la fin de la journée. Et puis, c'est resté comme ça. Excellent. Mais c'était fou. Tu penses que c'est des conseils que tu pourras utiliser dès l'année prochaine, par exemple, pour la F1 Academy? Même là, sur une séance de karting, tu penses que tu peux transférer ça à la monoplace? Oui, forcément, le karting, c'est quand même un peu différent. La monoplace, c'est un grand step, mais tous les conseils sont bons à prendre. Après, il était là à Singapour, tu l'as vu un peu aussi, c'est bien. Ouais, j'ai été le voir, il m'a donné plein de conseils sur la piste, les parties de la piste qui étaient nouvelles, etc. Ouais. Donc, c'était bien. C'est inspirant pour toi d'avoir quelqu'un comme Dorian, si on peut dire, qui parle de la F1, je parle pour toi, mais qui parle de la F1 sans complexe, en disant, moi je veux y aller, il n'y a pas de problème par rapport à ça, malgré le fait que des fois dans le milieu, il y a quelques réticences qui sont exprimées. Est-ce que ça te motive d'autant plus? Bah, carrément. En plus, Dorian, c'est la pilote française qui a le mieux réussi pour le moment en monoplace et qui est le plus proche de mon âge aussi. Donc, en fait, depuis toujours, on me compare à elle à chaque fois que je monte dans les catégories et c'est cool d'avoir un exemple comme toi. Est-ce que toutes les deux, vous vous sentez, surtout en tant qu'Iron Dames, investi d'une mission auprès des jeunes filles qui veulent se lancer dans le sport auto ou qui sont même déjà impliquées dans le sport auto? Oui, oui, bien sûr. Bah, un projet comme Iron Dames, il n'y en a pas 36 000 et ça fait bouger les lignes. Et on a clairement une chance de faire partie de ce projet et de l'amener... j'espère le plus loin possible et voilà, on a tous les deux, je pense, de quoi montrer qu'on a tous notre place dans le sport auto, peu importe le genre et ce qu'ils nous ont donné comme opportunité ces dernières années ont été vraiment fondamentales pour notre carrière et après c'est aussi à nous de faire le job et de ramener les résultats en piste. Et je pense qu'on en a montré qu'on était capable et qu'on avait encore une longue carrière, j'espère, tous ensemble. Donc c'est clair, ça fait parler le projet et le fait de, voilà, d'intégrer des championnats comme aussi la F1 Academy. Et tu vois qu'on a beaucoup plus de sollicitations sur les réseaux, mais même en piste, des petites jeunes filles et des petites filles qui pensaient qu'en fait le sport auto c'était que des mecs qui conduisaient des voitures de course, et en fait pas du tout. Et même encore aujourd'hui, tu as ce genre de retour. Ouais, bah que c'est possible qu'en fait, on en voit, en fait c'est accessible à tout le monde, c'est un sport mixte, donc tout le monde a ses chances. C'est pas encore si évident que ça pour le grand public, malheureusement. Ouais, c'est possible, malheureusement. Mais c'est parce que c'est flagrant, parce que ça fait 2 ans que je suis avec la F1. On voit de plus en plus de femmes dans le paddock. Hein. Il n'y a plus ce pourcentage, 10% de femmes et 90% d'hommes dans les tribunes, tout ça. Maintenant, c'est 50-50. Il y a limite plus de femmes dans le paddock qui soutiennent la Formule 1, qui sont intéressées par la Formule 1 et sport auto. Donc, il y a clairement une évolution dans le sport. Ouais. Et toi, Lisa, quel est ton avis là-dessus? Moi, je trouve que c'est un projet incroyable, surtout que je sais que quand j'ai commencé le karting à 7 ans, il n'y avait pas encore énormément d'exemples. On était seuls, ouais. C'est ça, et du coup, en fait, heureusement qu'on m'a poussée à le faire, parce que sinon, j'aurais jamais fait ça de moi-même, en fait, parce que je ne pensais pas que c'était possible, et puis de pouvoir bah aussi montrer l'exemple, montrer que c'est possible, que un pilote est un pilote et que en fait sur la piste il y a pas de différence, dès qu'on a le casque on a tous le même objectif. Donc moi je pense que j'étais moins, je suis pas autant sollicitée que toi, mais j'ai déjà eu des petites filles qui sont venues me voir, me dire merci, j'ai commencé, je regarde toutes les courses, et c'est fou de dire que on peut ouvrir des voies à des jeunes filles et donner l'exemple. Dorian, par rapport à ce que tu parlais dans le paddock de la F1, que tu as de plus en plus de femmes, c'est également le cas en endurance, et je t'invite à prendre la prochaine carte, s'il te plaît. Ok. Puisqu'on va revenir. Il y a tout le temps moi qui vous une carte. Non, mais il y a Lisa après, ne t'inquiète pas. Décollage réussi. Je crois que c'est une photo que tu aimes bien en plus. Ouais, j'aime beaucoup. C'est le podium à Sebring en 2023 en LMP2, donc première course du championnat du monde d'endurance. Tout à fait. Et c'était un sacré résultat parce que... Un beau podium, une piste incroyable, très old school, mais ouais, on a fait un bon résultat. C'était malheureusement le meilleur résultat de la saison, mais c'était un bon résultat. Un championnat du monde, c'est le niveau est ultra relevé. Il y a énormément de niveaux dans toutes les voitures et les équipes. Donc, d'avoir pu être sur un podium de championnat du monde d'endurance, c'était un sacré souvenir. Et avec toute cette équipe derrière, avec Préma, avec Aaron Dems, avec mes deux coéquipiers. Sacré équipage d'ailleurs, oui. Danik Viat et Mirko Bortoletti, sacré équipage. C'est ton moment le plus fort en endurance pour toi? Oui, un des plus forts. Voilà. Ouais. Après, les 24 heures du Mans, ça a été un peu... même si ça ne s'est pas fini comme prévu, c'était un événement plus qu'exceptionnel. Enfin, vivre les 24 heures du Mans, c'est un des meilleurs meetings en sport auto. Donc, c'était aussi un de mes moments forts. Et après, il y avait deux, trois courses avec Aaron Dems en GT où on avait vraiment fait du bon boulot. Par exemple, la victoire à Portimao en ILMS, sous la pluie où on est resté en slick et on était les seuls à faire ça et on a tout gagné. Enfin, c'était... Il y a pas mal de souvenirs, de bons souvenirs en endurance, c'est clair. On en avait un peu parlé, mais après Vegas surtout. Est-ce que tu crains de devoir, par exemple l'année prochaine, t'en parlais un petit peu, devoir désapprendre certaines choses que t'avais bien en monoplace, au contraire devoir te remettre dans certaines configurations mentales que peut-être t'avais moins à faire full F1 Academy? Il y a beaucoup de différences entre ces deux mondes et c'est toute une approche de course qui est complètement différente. Ouais. Donc, va falloir mettre de côté quelques techniques de pilotage que j'ai appris en monoplace. Toujours les garder pour le simulateur F1, bien évidemment. Mais le plus important, c'est l'adaptation. Oui, ça va être le switch entre les deux mondes qui vont être primordiales. Mais je pense qu'on a déjà fait ça dans le passé, donc on verra comment ça se passe. Mais dans tous les cas, dans les deux côtés, il y a des belles opportunités qui s'offrent pour l'année prochaine et pour le futur. Justement, le futur, on y vient. Comme tu as parlé du simulateur également au début de semaine, tu as également parlé d'un futur au 24 heures du Mans en hypercar. Est-ce que tu peux développer un peu ou pas du tout pour le moment? Alors, c'est confirmé. Oui, je peux dire que je serai dans les 24 heures du Mans. Je participe pas aux 24 heures du Mans l'an prochain. Et que comme objectif à court terme, c'est l'hypercar. Mm-hmm. Court terme. Non, qu'est-ce que tu appelles court prochain, terme? Pas prochain, mais voilà. Mais le projet à court terme, oui, c'est l'hypercar, c'est accéder à l'hypercar, être performant et ramener des résultats et pourquoi pas gagner 24 heures du Mans dès l'an prochain, mais aussi en hypercar et faire des bons résultats. Donc on va voir et quelles opportunités s'offrent pour 2026 et pour la suite, parce que c'est, faut ramener des résultats constamment et bien évidemment 2026 va être terminé 2027, donc à voir la suite. Non, bah la question forcément qui nous vient après, c'est par rapport à toi Lisa, est-ce que tu suis d'abord ces catégories là autre j'imagine que la Formule 1, et est-ce que même si, encore une fois, ta carrière n'est pas tracée encore, mais est-ce que c'est un objectif ou est-ce qu'il y a des courses qui te font rêver par rapport à ça? Oui, bien sûr. Déjà, les 24 heures du Mans, je pense que c'est le rêve de tous les pilotes. Et j'ai eu la chance de pouvoir aller voir les 24 heures du Mans deux fois. Une fois avec Alpine et l'année dernière avec Aaron Dames. J'étais dans le garage et j'ai pu suivre la course du début à la fin. Donc, c'est très inspirant et j'espère pouvoir, moi aussi... prouver que je suis capable d'être très bonne dans deux milieux quand même assez différents. Ok, ouais, la polyvalence, c'est quand même important pour toi de garder ça. C'est pas que focus une catégorie. Ok. Bon, par rapport à ça, on t'a vu rouler plusieurs voitures sur le Bugatti il y a pas si longtemps. On t'a vu rouler notamment une Ferrari, etc. Donc, est-ce que justement, c'est ta préférence par rapport à ça, ou est-ce que t'as justement, comment tu l'as vécu cette expérience C'était assez nouveau. J'avais jamais conduit de voiture normale entre guillemets. Donc, c'était sympa. En plus, c'était pour une bonne cause. Donc. C'était encore mieux. Et puis de pouvoir conduire, j'ai conduit dans une Alpine, dans la Ferrari d'Esteban et dans une Mustang. Donc c'était une bonne expérience. Et puis tout est bon à prendre pour apprendre à piloter dans tout. Donc c'était cool. Carrément. Bon, on va arrêter d'embêter Dorian avec les cartes. Maintenant, c'est à ton tour, Lisa. Tu peux retourner ta carte qu'on t'a réservée. Wow. Lisa Billard, nouvelle de la bande. C'est par rapport à la wildcard à Singapour. C'est ça, c'était ton portrait qu'on avait écrit après la finale au Mans et puis après la wildcard aussi à Singapour. Donc justement, comment tu vis le fait d'être un peu la nouvelle de la bande, d'être un peu plus exposée comme ça et d'être tout d'un coup, tu parlais de Dorian qui était très exposée, mais toi ça y est, ça commence à arriver. Donc tu le vis bien, t'apprécies, on va dire, ce changement un peu de dimension. Bah oui, bien sûr. Pour l'instant, je pense que je ne me rends pas trop compte. Je vis juste le truc à fond. À Singapour, j'ai eu la chance d'être un peu épargnée de tout ça. Je pense qu'en tant que wildcard, ils sont pas trop méchants avec nous pour le début. Mais ouais, j'ai vécu le truc à fond. J'ai pas trop pensé à tout ce qu'il y avait autour. Je me suis concentrée sur le résultat, ce que je voulais faire et prendre un maximum d'expérience pour l'année prochaine. Et j'ai hâte de pouvoir apprendre à gérer tout ça. On a 7 courses, donc même avec le décalage horaire, il va y avoir tout de nouveau pour moi et j'ai très hâte. Dorian, comment tu as vécu le fait d'être aussi exposé médiatiquement avec la F1 Academy ? Je l'ai bien vécu, oui, non, parce que moi, ce qui m'importe le plus, c'est de rouler et d'être dans une voiture. Donc, tout ce qui est autour, il faut faire avec et il faut être aussi multitâche hein, parce que ça fait partie de ce monde et il faut. Faut utiliser cet outil pour écrire notre carrière et chercher des opportunités. Donc c'était des bonnes expériences. Forcément, la F1 Academy, c'est un autre monde parce qu'on est à côté de la Formule 1 et que y a Netflix aussi qui nous suivait pour faire un docu sur nous. Donc ils sont très présents. C'est bien si on est épaulé, bien évidemment, pour apprendre tout ça et pour évoluer et être sûr de donner le bon message quand on parle à la caméra. Mais en globalité, c'était une bonne expérience. Et c'est clair que, voilà, comme je disais, c'est un bon outil. Ça va nous aider pour notre carrière et il faut le prendre amplement, quoi. On va parler de Singapour un petit peu, forcément, surtout pour toi, Lisa. Ça a été une sacrée expérience, j'imagine, surtout que ça a été une sacrée performance. Tu fais P5 en qualif, c'est le meilleur résultat pour une wildcard. Tu avais fait des tests qui sentaient déjà bons avant. Est-ce que tu as été surprise de ça? Est-ce que tu te dis que voilà, là, tu as quand même une belle perf à aller chercher peut-être l'année prochaine? J'étais assez contente du résultat. Après, les courses ne sont pas hyper bien passées, mais l'important, c'était de pouvoir montrer que j'étais performante et dès le début. Tout était nouveau, rouler en ville, de nuit, sur un circuit de Formule 1. Il y avait beaucoup de choses à apprendre et à appréhender avant de rouler. Mais oui, comme je l'ai dit, en fait, j'ai vécu le truc à fond et le fait de faire un bon résultat, ça rassure pour la suite et c'est quelque chose à laquelle je pense pour l'année prochaine. T'as pas de regrets par rapport aux courses? J'imagine que c'était fou l'apprentissage pour toi, donc. Un peu, j'aurais aimé faire mieux forcément, mais non, le but du week-end c'était vraiment de se montrer pour avoir une opportunité d'avoir un baquet l'année prochaine. Dorian, t'as été bluffé par les débuts de Lisa en F1 Academy? Bluffé, non, je m'y attendais parce que c'est une bosseuse et parce qu'elle a fait des bons tests avant et puis parce qu'elle s'y préparait. Donc je m'attendais qu'elle allait faire un bon résultat. Après, j'étais Ouais, j'étais contente pour elle qu'elle a fait une bonne qualif parce que Singapour, c'est particulier. Et le fait que tu t'es adapté vite fait, c'est ça la clé, surtout dans ces championnats comme ça, parce que t'as pas beaucoup de tests avant, comme je disais. Donc faut toujours être dans le rythme dès le début. Et je pense qu'elle a bien fait tout le week-end, même si les courses, ça détermine pas tout, toute sa carrière et tout son week-end en globalité. Il y a des choses qu'elle a pas contrôlées, et en tout cas, la qualif, elle l'a contrôlée et elle l'a bien fait. Donc c'est sûr qu'elle a plein de possibilités pour l'an prochain. Et je lui souhaite tout le meilleur. Et voilà. Et puis, elle a largement sa place pour faire. Pour se battre pour le titre ou voir même le top 3 et le top 5. Donc j'ai hâte de suivre ça et je serai certainement sur quelques courses aussi. Donc s'il y a quoi que ce soit. Ouais. Ah justement, je vais mettre les pieds dans le plat. Est-ce que toi, tu vois le titre comme un objectif dès l'an prochain? Bien sûr. Le but, c'est toujours de passer les catégories le plus tôt possible pour moi. J'aimerais pouvoir remporter le titre dès la première année. Après, je sais que c'est pas facile, il faut rester objectif. Et le but premier, ça va être de prendre un maximum d'expérience. J'aimerais forcément être la meilleure rookie, faire le plus de podiums possible et se préparer au mieux pour l'année d'après si jamais j'ai pas le titre dès la première année. Mais surtout qu'en plus, tu arrives à un moment où il y a un turnover. Donc quelque part, il y a de l'opportunité. Alors certes, il y a des pilotes qui restent encore, qui sont fortes, mais... Sachant que tu as fait P5 en qualif alors qu'il y avait déjà les titulaires qui étaient là depuis un an, tu te dis que peut-être tu arrives au meilleur moment quelque part. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir rouler avec les anciennes et puis de rouler avec les nouvelles. Donc j'ai pu me comparer aux deux et c'était une grande opportunité pour l'année prochaine. Est-ce que tu identifies déjà des points sur lesquels tu vas devoir progresser toi techniquement où tu te dis d'ici début de saison, il faut que je sois prête sur tel point ou peut-être j'étais encore pas encore tout à fait solide? Je sais que j'ai la vitesse et que je suis capable de m'adapter, mais en course, j'ai beaucoup à apprendre encore sur la gestion des départs, les dépassements, etc. Donc ça va être ça le plus gros du travail en début de saison. Et du coup, ça va être l'heure du petit jeu, du petit contre-la-montre. Donc, ça va être une série de questions, il y en a une petite vingtaine, vu que vous êtes deux, on vous a donné 4 minutes au lieu de 2. parce que certaines sont pour vous deux, d'autres sont soit pour Lisa, soit pour Dorian. Et le but, c'est d'essayer de tout y répondre, répondre à toutes ces questions, succinctement, le plus vite possible. Et vous avez le droit, chacune à un joker. Ouais, un joker chacune. Au cas où. On sait jamais. On sait jamais. La règle est la règle, vous faites ce que vous voulez. Si ça, on est les patrons. Dorian, Lisa, on commence simple. Votre circuit préféré? Portimao. Moi, c'est Singapour. Parce que c'est le plus beau que j'ai fait. C'est vrai? Pour l'instant. C'est celui que vous aimez le moins? Bonne question. Miami. Ok. J'ai pas de circuit que j'aime pas. Okay. Alors, on accepte. Le circuit où vous rêvez, pardon, de rouler? Suzuka. Suzuka, ok. Las Vegas. Ah ouais? Ouais. Ok. Et pour tout l'environnement et tout ça me donne vraiment envie. Ce sera quel an prochain? L'an prochain. Ouais, notre calendrier. Ouais. Dorian, le ou la pilote le plus fort que tu as affronté? Bonne question. Il y a que des bonnes questions. C'est certainement en endurance. En ce moment, Freddy Slater, je dirais. Ouais. Ouais, tu l'as. Ouais, c'est eux. Ouais. Et en endurance, il y en a plein. C'est difficile. Il n'y a pas un qui te sort du lot? Bon, il y en a plein. Ok. Je dirais Albuquerque. Allez, très bon choix. Très bon choix. Très bon choix. Pour vous, le pilote le plus sous-coté? Oula. Sous-coté? Ouais. Sous-coté. Toute catégorie. Toute catégorie profonde, vu que tu n'as pas obligé d'avoir roulé contre lui. Ou elle. Sous-coté? Ça peut être vous. Je sais pas. T'as, toi? Pas du tout. Allez, Joker. Joker. T'es sûr, déjà? Faut réfléchir. Bon, après, on n'est pas pressé. Si, justement, c'est le principe. Joker. Okay. Joker, Lisa? Joker. Joker, ok, bon. Le pilote que vous avez fait aimer le sport auto? Lewis Hamilton. Stéphane Ocon. Ok. Complété en 2026, je vais gagner 24 heures du Mans. Top. Gagner l'IFA Academy. C'est voilà. Ça, formidable. Vas-y, check. Dorian, qui a fait la meilleure saison entre Adjar et Antonelli? Adjar. Ok. Pour vous deux, qui est le meilleur pilote de l'année, toutes disciplines confondues? Max Verstappen. Ouais, Max Verstappen, parce qu'il a réussi à faire quand même. Ok. Ok. Dorian, ta pire habitude au volant? Impatiente. Impatiente? Ouais. D'accord. Je sais pas, ouais. Lisa, quelle sera ta première voiture? Ma première voiture? J'ai déjà passé le permis. Ça dépend si j'ai de l'argent. Quelle voiture tu aimerais, ouais, comme première voiture? Une Twingo. Ou une Renault Clio? T'as eu quoi comme première voiture? Une Kia Sportage. Je sais pas. Votre superstition avant le départ? Je mets la même combi, moi. Ok. Ouais. Moi, les mêmes gants toute l'année. Ah ouais? Même si j'en ai des neufs, je mets les mêmes gants toute l'année. Ok. Pour Dorian, Marcel Hirscher ou Lewis Hamilton? On savait. Marcel. Non, Lewis Hamilton. Ok. Lewis. Pour Lisa, Dorian Pain ou Lewis Hamilton? Oula, non, mais. Non, je voulais Lewis. Pas dire n'importe quoi. Non, Lewis, bah oui. La personnalité que vous aimeriez rencontrer? Coldplay. Ah, ok. Moi okay. Ouais. Bah, je viens avec toi. Ok, ah bah. Parfait. Monoplace ou endurance? Les deux. Les deux. Bah, pour l'instant, j'ai pas fait d'endurance, donc monoplace. Okay. Dorian, un baquet en F1 ou gagner les 24 heures du Mans? Un baquet en F1. Lisa, Ford Mustang, Alpine A110 ou Ferrari 296? Ferrari 296. Dorian, Ferrari 488, Lamborghini Huracan ou Renault Clio? Ferrari. Qui va gagner la F1 Academy en 2026? Lisa Bière, moi. Qui sera champion du monde de F1 en 2026? Ça, c'est chaud. Piastri. Oh, ok. Ah, peut-être pas, hein. Ah. Max Verstappen, je sais pas. Max Verstappen. George Russell, ça serait bien. Ah. Et Lisa? Max Verstappen. T'avais une question, je crois, à poser. C'est vrai que j'avais une dernière question. Alors attendez, parce que celle-là, je me la reprends parce que c'est une question importante. Yeah. Dorian. c'est le temps additionnel. C'est le temps additionnel. Celle-là, elle ne compte pas. Elle est, voilà. Quel est le meilleur passager en haute lap? Tadej Pogacar, Julien Febvreau ou Valentin Glo? C'est dur. Tadej, c'était cool quand même. Tadej, c'était cool. Parce que je regarde le cycliste depuis des années, mais Febro, il a eu peur quand même. Hein. Bon. Donc. Mais Valentin, mais bon, et moi Non, mais toi Toi, t'étais calme quand même. Hein. Moi, je suis toujours calme. T'as géré tes émotions. Hein. Toujours. Toujours. Ah, c'était bien. J'aime bien amener les gens au haut de l'abs. C'était cool. Hein. Bah, bien sûr. J'ai le selfie encore avec moi. C'est vrai? Bien sûr. Ah, ouais. Bien sûr. Et donc, faudra la mettre dans le podcast. Mais la réponse, c'est Tadej. Comment? La réponse, c'est Tadej. Je sais pas. En même temps, qui peut battre Tadej? Qui peut battre Tadej? Ouais, hein? Personne ne bat Tadej. Bon, magnifique. On a une tradition dans l'émission avant de vous laisser partir, c'est qu'on a un casque ici à faire signer.